Stances sur la retraite de Racan. Tire 6. Il faut penser à faire à la retraite. La course de nos jours est plus qu'à demi faite. L'âge insensiblement nous conduit à la mort. Nous avons assez vu sur la mer de ce monde errer au gré des flots notre nef vagabonde. Il est temps de jouir des délices du port. Le bien de la fortune est un bien périssable. Quand on bâtit sur elle, on bâtit sur le sable. Plus on est élevé, plus on court de danger. Les grands pins sont en butte au coup de la tempête, et la rage des vents brise plutôt le faîte des maisons de nos rois que des toits des bergers. Oh, bienheureux, celui qui peut de sa mémoire effacer pour jamais ce vain espoir de gloire dont l'inutile soin traverse nos plaisirs, et qui, loin retiré de la foule importune, vivant dans sa maison, content de sa fortune, a, selon son pouvoir, mesuré ses désirs. Il laboure le champ que labourait son père. Il ne s'informe point de ce qu'on délibère dans ses graves conseils d'affaires accablées. Il voit, sans intérêt, la mer grosse d'orage et n'observe des vents les sinistres présages que pour le soin qu'il a du salut de ses blés. Roi de ses passions, il a ce qu'il désire, son fertile domaine et son petit empire, sa cabane et son Louvre et son Fontainebleau. Ses champs et ses jardins sont autant de provinces, et sans porter envie à la pompe des princes, se contente chez lui de les voir en tableau.